De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue, nous voici sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages, toujours en compagnie de Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Bah, parfaitement. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu sérieux quand même, ça va être la journée de la non-violence éducative le 30 avril. Oui. Alors c'est quoi ? Je voulais te parler de cette journée de la non-violence éducative parce que déjà je suis une ancienne maîtresse d'école. L'éducation c'est un thème qui me tient à cœur et puis je suis maman. Et puis j'ai fait partie d'une association qui s'appelle le MAN, le Mouvement pour une alternative non-violente. Et oui. On a déjà eu l'occasion d'organiser des choses avec le département 54 sur cette journée pour sensibiliser les familles et informer les familles sur qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires, en fait. Alors, comment ça se définit ? La violence éducative ordinaire, c'est des violences physiques, psychologiques ou verbales qui sont utilisées envers les enfants au prétexte de les éduquer et qui sont communément admises et tolérées. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on va lui apprendre à être sage, on va avoir des gestes ou des paroles qui sont violents, du style claque, fessée, tape, mais aussi des menaces, de l'humiliation ou du chantage. Ça a été reconnu officiellement dans une loi qui est sortie le 10 juillet 2019, où c'est écrit « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Et donc ça, c'est un vrai tournant dans la vision de ce que c'est que l'éducation. C'est une loi qui n'a pas de sanctions pénales, c'est-à-dire que si un parent tape un enfant, etc., il va pas y avoir de sanctions pénales derrière, mais c'est fait pour sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la violence éducative de tous les jours, en fait, qu'on a banalisé, qu'on a intégré et dont on se rend pas toujours compte. Une loi qui est quand même relativement récente, hein, 2019. Hein. Oui, tout à fait. Je voulais rajouter que le but de cette chronique, c'est d'informer et de sensibiliser et de regarder l'éducation sous un angle différent, sans vouloir ni accuser ni culpabiliser qui que ce soit, parce que Freud disait que le métier le plus difficile du monde, il y en a trois, c'est prof, médecin et parent, parce que tous les jours on fait des erreurs. Donc à partir du moment où on a cette approche-là, d'humilité, de se dire on sait pas, on apprend, on fait au fur et à mesure de nos connaissances, on est déjà un peu libéré d'une certaine forme de poids ou de culpabilité. Effectivement, alors cette question de la journée de la non-violence éducative, on va la faire en deux parties. On va parler un peu des effets que ça peut avoir. Et les violences physiques, les violences psychologiques ou verbales, elles ont des effets sur les enfants qui les subissent de manière ordinaire, c'est-à-dire répétées, quotidiennes. Mmh. Elles vont provoquer des problèmes de concentration chez eux parce qu'ils vont avoir une sécrétion d'hormones style le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est en permanence dans le cerveau. Donc, il va y avoir des problèmes de concentration, des problèmes sur les apprentissages. Ils vont avoir tendance à somatiser aussi facilement, c'est-à-dire avoir de l'eczéma, faire pipi au lit, faire des cauchemars, avoir le corps qui commence à dire ça va pas, peut-être avoir des troubles alimentaires, par exemple. Donc, c'est des effets quand ils sont enfants, mais c'est des effets aussi quand on devient adulte. Oui, parce que dès l'enfance, du coup, si on pratique des choses comme l'humiliation ou la menace, ça va atteindre la confiance en soi, l'estime de soi, et ça va augmenter les risques de devenir un auteur ou une victime de harcèlement ou de violence familiale. Chez les adultes, on a aussi plus de risques de développement de troubles psychologiques type anxiété, dépression, de développer des comportements agressifs ou asociaux, et encore aussi des maladies style asthme, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on sait même que ça peut laisser des empreintes génétiques. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, dans la génétique, on a vu que les enfants qui ont subi des violences, ça va augmenter potentiellement le fait de reproduire. Déjà, on voit quels effets ça peut avoir. On va voir après quels sont les facteurs qui favorisent ces états-là. Oui, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on en vient là, et aussi, surtout, donner des pistes de solutions. Où est-ce qu'on peut avoir du soutien? Comment est-ce qu'on peut sortir de certaines choses qu'on reproduit? On va en parler dans la prochaine chronique. À bientôt, Noémie. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.